Jacques est avec nous. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est une belle émission. Mais ce que je dis, c'est que si l'homme avait le pouvoir de savoir comment nous sommes venus, comment ça se passe, maintenant l'homme s'est cloné, sait faire des clones, il sait faire beaucoup de choses. Donc, Dieu, heureusement qu'il y a Dieu qui garde quelque chose que nous ne savons pas. Il y a un pouvoir au-dessus de nous qui nous empêche d'aller au-delà de ce qu'on voudrait savoir et qui nous permet de rester un peu sur la Terre. Sans quoi, si on avait le savoir de vivre 300 ans, je crois que certaines personnes auraient abusé de ce genre de pouvoir qu'il aurait eu. Donc, c'est la seule chose que l'homme n'a pas, c'est le pouvoir sur lui-même, je crois. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui. Avant une réaction, il y a José qui nous attend et on va répondre donc tout à l'heure. José, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, mon intervention concerne le développement du scientifique, là, concernant la foi. Il faut qu'il sache que la foi est infinie. Elle n'a pas de limite. Tandis que le physique, représenté par la science, a sa limite. Elle peut repousser sa limite, mais elles existeront toujours. Mais que la foi est illimitée parce que la foi met en relation l'âme et l'esprit. Et c'est l'âme et l'esprit qui fait que si les scientifiques arrivent à découvrir par l'intelligence du sage, l'intelligence de Dieu, donc le développement qu'il a fait là est un petit peu très léger concernant la foi. Merci. Merci beaucoup. Un autre appel. Norbert est avec nous. Bonsoir Norbert. Oui, bonsoir. Oui, Norbert, oui. J'ai déjà baissé la radio. Très bien. Oui, alors je voulais intervenir sur l'émission parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Et j'ai quelques interrogations. J'ai pas étudié la science comme les savants qui sont sur le plateau, mais je m'interroge sur certaines choses. Je me dis que quand j'observe ce qui se passe dans la société, tout ce que nous avons avec lesquels nous servons, un véhicule, une montre, un réveil, n'importe quoi, fonctionne à partir de principes. Et derrière ce principe, il y a une intelligence. C'est quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi, qui a analysé, qui a mis en place. Alors, quand je regarde maintenant l'univers avec le si peu de connaissances que je possède, comment les choses tournent de façon correcte? Il n'y a pas de choc entre les planètes. Les choses, il y a une loi qui régisse tout cela. Je me dis, pourquoi je dois exclure qu'il y a l'intelligence? Pourquoi je dois donner à ce que je vois, par exemple, le corps humain, les précisions que nous avons dans l'organisme humain? Pourquoi ça doit être le fruit du hasard et non pas le fruit de l'intelligence? C'est la question que je pose à ceux qui sont sur le plateau et j'aimerais avoir une réponse. Merci beaucoup. Très bien, merci. Réponse pour Norbert. Ensuite, nous reviendrons sur les appels de Jacques. Alors, ce que je propose, dans quelques instants, nous allons arrêter les appels. Il y a juste Rico qui est avec nous. Et après, on va répondre à tout le monde. Rico, bonsoir. Oui, bonsoir. Monseigneur, je suis vraiment déçu. On aurait dit que vous faites l'apologie, la compromission de l'apostasie. Hein, lorsque le journaliste vous pose la question, est-ce que vous croyez à Adam et Ève? Mais vous n'avez pas la Bible chez vous. Hein, soit vous êtes croyant, ou soit vous ne l'êtes pas. Et nous sommes à une époque où il faut se positionner. Hein, d'accord? Soit je crois en Dieu, ou soit je ne crois pas en Dieu. Hein, d'accord? Bon, il faut savoir aussi que Darwin, la théorie de Darwin sur l'évolutionnisme, hein, au début du XXe siècle, c'est après avoir observé la nature qui se bouffait entre eux, pas mal de conflits avec les animaux, il a commencé à ne plus croire à Dieu, ouais, en Dieu, d'où sa théorie. D'où sa théorie contre le créationnisme. Et c'est là qu'il a commencé à mettre sur pied, oui. Comment on appelle ça, l'évolutionnisme. D'accord. Et les autres scientifiques qui n'avaient pas de culture religieuse ont commencé à le suivre. Voilà, c'est tout. Très bien. C'est une vaste blague. Hein? Hein? Donc, soit vous croyez en Dieu, ou soit vous ne croyez pas en Dieu. Et vous, Rico, vous croyez en Dieu? De la Genèse, les choses sont présentées d'une autre manière. On aurait dit qu'Adam et Ève ont été créés avant la nature. Mais ça, c'est l'organisation théorique et il y a eu l'organisation pratique. L'organisation pratique, Dieu a créé la terre avant tout parce que c'était un vulgaire rocher. Et après, il a mis les arbres, les a fouichés, la terre, tout et tout. Et les animaux, le quatrième jour, c'était le soleil. Ah. Accueillir à la fin Adam et Ève, l'homme. Le couronnement de la création. D'accord ? Très bien. Alors, Rico, on va arriver à la fin de l'émission. Alors, Rico, soit vous croyez en Dieu, soit vous ne croyez pas en Dieu, mais pas de compromission avec ces gens-là. Très bien. Merci beaucoup, Rico. Nous arrivons à la fin de cette émission.